L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Feriel Bakoury, nouvelle directrice de la scène nationale, de la nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise, avec un projet ce qui a été retenu par les décideurs. Vous allez nous dire un petit peu très vite comment est nommée une directrice d'une institution comme la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise. Pour vous, la culture est une vraie nécessité dans une société en crise, voire même comme un élément salvateur, je vous cite. Oui, je le pense profondément. Précision tout de même pour nos auditeurs. Oui, je le pense profondément. Alors, il y a deux questions dans la question. Une question qui pourrait être moyennement intéressante, c'est-à-dire comment on fait pour accéder à la direction d'une scène nationale. Brièvement. Voilà, j'ai envie de relier les deux presque, en fait. Je trouve ça plus intéressant qu'une question de parcours personnel. On va dire que moi, ce qui me définit, je pense, profondément, c'est, j'ai envie de dire, mon amour, mon intérêt pour la question de la diversité sociale et culturelle, qui habite quand même beaucoup les banlieues multiculturelles de Paris, de Marseille, et la rencontre que j'ai eue, la chance d'avoir, d'abord avec la philosophie, qui a marqué mon parcours, et ensuite avec l'art, le spectacle vivant, la Maison de la Culture de Bobigny, à l'époque, qui était une grande maison internationale exceptionnelle. À l'époque, enfin, elle est toujours, mais je veux dire, il n'y avait pas beaucoup de spectacles internationaux. C'était, quand je l'ai fréquenté et que j'y ai travaillé, c'était dans les années 95, voilà. Et donc, du coup, il y a toujours eu en moi le croisement entre cette envie, j'ai envie de dire, de montrer des œuvres qui m'ont bouleversée parce qu'elles faisaient écho, qu'elles avaient une prise sur le monde, à des gens qui, eux aussi, sont très différents. Et en France, on a la chance d'avoir cette diversité. Voilà. Ensuite, ce qui a orienté, j'ai envie de dire, le choix de Cergy et peut-être mon projet et cette problématique en moi, c'est que, alors je parle de politique, mais pas au sens politicien, c'est que la France, l'Europe, on traverse quand même une crise. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a des élans, des humains, des choses magnifiques qui se passent au niveau associatif, au niveau politique. Et puis en même temps, partout, il y a la poussée des populismes. Et donc du coup, c'est vrai que dans cette poussée des populismes et puis dans la restriction des budgets qu'on a connu quand même beaucoup dans la culture ces dernières années, puisque je me souviens d'un article du Monde de Fabienne Darche qui explique que la culture a jamais été autant affectée que ces dernières années. Et à ce moment-là, on a un discours ambiant qui nous dit « Oui, bah, en fait, vous, les établissements culturels, vous touchez toujours les mêmes gens, pas toute la diversité sociale et culturelle, etc. » Et c'est une chose qui m'a interrogée, parce qu'il faut faire son autocritique. Et c'est vrai que aujourd'hui, j'ai la chance d'arriver dans deux établissements qui marchent, il y a du public, c'est formidable, etc. Moi, je viens même, je crois, d'un établissement qui marche, mais c'est vrai que la question de la diversité m'interroge et m'intéresse, et c'est vrai que quand j'ai su que l'apostrophe se libérait, je me suis intéressée au territoire, et que j'ai aimé, en fait, la diversité de ce territoire, sa richesse, sa diversité sociale et culturelle, et qu'à partir de ce moment-là, j'ai produit un projet, soit artistique, culturel, mais à partir de cette donnée qui était une envie peut-être d'affirmer la question de la réunion des populations du territoire par l'artistique. Alors, on va prendre le temps de développer, de présenter votre projet. Quand je dis prendre le temps, on va cependant devoir le synthétiser aujourd'hui. Et au fil du temps, au fil de l'eau, on aura l'occasion dans les prochaines émissions de découvrir davantage encore ce projet. Vous avez dit également, parce que vous nourrissez de belles ambitions pour ce territoire, celle de désacraliser l'institution pour ouvrir les portes des théâtres au plus grand nombre possible, avec pour idée forte votre volonté de réenchanter le public. Alors le public, je ne sais pas, mais le monde. Alors d'abord, je vais quand même dire que Joël et Jean-Joël ont déjà agi en faveur du public très largement et depuis très longtemps. Les deux directeurs, ex-directeurs Joël, pour Jean-Joël là, Jean-Joël, et donc j'ai envie de dire que je n'ai pas inventé l'eau tiède, il ne faut quand même pas exagérer, je ne veux pas dire que j'ai tout réinventé. Ce qu'il y a, c'est que dans mon projet, et ça tient compte, j'ai envie de dire, de l'évolution des formes, parce que de l'action culturelle, de l'éducation artistique, il y en a beaucoup à l'apostrophe, il y a aussi beaucoup d'ateliers au Théâtre 95. Peut-être que la spécificité de ce que j'amène, moi, avec ma génération, mon âge, mes envies, mon contexte, c'est... Alors, j'ai envie de parler des trois axes, hein, et puis ce qui en découle, même si on approfondira. Donc, on va approfondir, oui. Voilà. Il y a trois choses qui m'ont marqué en faisant une enquête, j'ai envie de dire, Alors, quasi touristique, c'est-à-dire que je suis allée me promener, en fait. C'est comme ça que j'appréhende les territoires. Je me suis promenée en voiture, les week-ends, etc. Il y a d'abord une chose qui m'a marquée, c'est le paysage et la beauté. Alors, voilà. Et j'ai été surprise de découvrir l'axe majeur qui est magnifique, le contraste entre l'agglomération, les zones rurales, toute la beauté du Val d'Oise, du Vexin, cette histoire du patrimoine qui se confronte à la ville nouvelle. Et j'ai aimé ça. Alors, un petit clin d'œil, j'ai quand même vécu mon adolescence dans l'Oise. Donc, Oise-Valdoise, c'est pas la même chose, mais quand même. Et donc, du coup, toute cette découverte de l'extérieur, qui n'était pas les théâtres que je n'avais même pas visités à l'époque, m'a donné l'impression, par rapport à la première couronne dans laquelle j'ai toujours travaillé, et cette espèce, c'est vrai, de grande scène nationale qui est scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, l'idée qu'il fallait qu'il se passe des choses à l'extérieur, ce qui est d'ailleurs là aussi des choses qui se passent déjà, puisqu'il y a Cergy-Soie, mais que dans ma connaissance, pour le coup, des formes qui se construisent aujourd'hui en France et en Europe, il y a toute une série d'artistes qui inventent des choses ultra intéressantes, qui s'inscrivent dans le territoire. Et je me suis dit, ça serait vraiment intéressant qu'ils puissent être montrés dans l'articulation avec Cergy-Soie, qui a sa propre identité, qui sont des formes participatives, qui sont des formes qui restent longtemps. Je pense au groupe, par exemple, des Bois-Geronaux, qui sont des gens qui arrivent avec leurs meubles et qui travaillent avec le territoire et qui restent pendant 10 mois pour rencontrer la population. C'est-à-dire un travail à l'extérieur, soit avec des belles choses comme des chapiteaux, mais aussi des choses qui se construisent dans le temps. Et donc, j'ai inventé cet axe art et paysage qui, finalement, travaille sur la notion, pas simplement de spectacle de rue, mais d'espace public, qui va être intéressant, notamment à penser dans la rénovation qui va avoir lieu de la ville de Cergy, etc. L'une de vos grandes priorités, la jeunesse. Alors voilà, la jeunesse, alors là c'est l'enquête bête, hein. on enquête et puis on se dit, mais mon Dieu, dans cette agglomération, plus de la moitié de la population a moins de 30 ans, et là c'est un grand choc, et puis ça croise aussi, excusez-moi, des chiffres et des choses qui moi m'ont frappé, puisqu'on a vécu ces élections présidentielles, ça fait écho en fait au champ des signes, le score du Front National, l'importance des jeunes dans le Front National, enfin je veux dire, ça c'est des choses, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc... À Cergy, Pontoise et Val d'Oise, pas spécialement de jeunes du Front National, ou un petit peu, mais en tout cas, se dire, il y a une jeunesse, elle est là. Alors, ce que j'appelle jeunesse, parce que là encore, l'apostrophe et le théâtre 95 ont vraiment leur héritage, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de scolaires qui viennent dans les deux théâtres. Je parle des jeunes sortis du milieu scolaire. Qu'est-ce que deviennent les jeunes? Jeunes adultes. Ouais, les jeunes adultes, exactement. Une fois qu'ils ont fait ce passage, voilà. Ça, c'est très compliqué. Et on se creuse tous la tête dans tous les sens, c'est-à-dire au moment où on quitte papa-maman et qu'on peut sortir, est-ce qu'on va au théâtre, est-ce qu'on va voir de la danse, etc. Moi j'ai des adolescents, pas toujours. particulièrement pas d'ailleurs quand on est dans le milieu. Et du coup, ce qui m'a semblé intéressant, et c'était déjà quelque chose que je croisais, que je réfléchissais à Montreuil, à Bobigny par mon expérience, c'est que en Europe, il y a déjà des festivals, à Bruxelles notamment, qui réfléchissent sur ça et qui partent un peu plus de leurs intérêts. C'est-à-dire, alors, il y a les cultures urbaines, mais il ne faut pas stigmatiser les gens. Si je fais des cultures urbaines, ça m'intéressera, qui est quand même une force chorégraphique forte. Ça a été fait à Cergy, Dominique Lefebvre a porté ça. Joël, ça, tu connais ça par cœur. Différentes associations voilà, locales également. Voilà, il y a aussi, j'ai envie de dire, tout ce réseau de danse, pour le coup, on s'est vu samedi, important. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas... Enfin, il n'y aurait pas besoin de moi s'il s'agissait juste de programmer leur spectacle. C'est de créer des rencontres avec des projets amateurs entre ces jeunes qui aiment la danse, entre ces artistes internationaux qui viennent de la danse, qu'ils viennent des cultures urbaines ou d'ailleurs. Et donc, du coup, pour en revenir aux jeunes, l'idée, ça serait quand même de regarder ce qui part de leur intérêt. C'est-à-dire parfois c'est la musique, la danse, ou les associer à des formes participatives qui peuvent leur faire parler d'eux-mêmes. C'est comme, par exemple, cette compagnie d'Ana et Joao, qui sont des Portugais, qui, eux, en fait, ont créé à Montreuil, dans une tournée qui est déjà assez étendue, un projet qui part en fait de la manière dont les jeunes se rêvent et se projettent dans les années à venir. Ça a déjà fait une tournée assez importante, et donc du coup, ce temps jeune, c'est l'idée de faire que, en effet... Les jeunes, et ça passe par la désacralisation. Parce que les jeunes, ils n'ont pas envie de rentrer dans les théâtres, souvent. Enfin, voilà. Donc ça passe quand même par une vie du lieu, par un habillage du lieu, par une ambiance. Et quand vous arrivez au Festival Bronx, vous arrivez comme dans un café, il y a de la bière, il y a un DJ après, etc. Ça ne veut pas dire qu'on va faire que de l'animation, mais ça veut dire qu'il va falloir travailler quand même quelque chose qui les attire, tout en les mêlant à des contenus artistiques forts, avec des artistes qui ont envie de s'intéresser à eux. Et juste pour vous donner un exemple, Bouchra Wisgen, qui est une chorégraphe marocaine internationale, qui a comme expérience d'être née au sud du Maroc, dans un milieu très traditionnel, d'avoir commencé par, j'allais dire, la danse marocaine. Elle a eu une expérience géniale qui était la rencontre avec Boris Sharmatz. Elle a fait un stage, et puis elle a rencontré la danse contemporaine. Puis elle a fait ce stage. Et sortie de ce stage, elle s'est dit, c'est très bien, mais moi, tout ça, je vais le mettre au service de ma culture. Et elle a créé ses formes, elle tourne partout dans le monde. On s'est connus à Montreuil, nous avons monté une forme qui mêlait ces danseuses Aïta, sorties des cabarets, avec des amateurs, pour le coup, qui pourraient tout à fait être les amateurs du conservatoire, à Cergy, dans une tournée qui a été à l'échelle régionale. Quand elle a lu mon projet pour Cergy, alors qu'elle ne s'intéressait pas à ça, elle m'a dit, on était dans le moment des élections, elle m'a dit, j'ai envie d'inventer quelque chose avec les jeunes de Cergy. Donc ça vous donne un exemple, parce que le chemin que j'ai fait, j'aimerais qu'eux puissent le faire. Donc ça lie bien ce que j'appelle une ambition artistique forte avec quand même des enjeux humains, politiques, engagés, et l'idée d'associer. Pour vous donner toute l'ambition sur cet axe jeune qui... Vous avez parlé de dimension pluridisciplinaire sur le plan artistique, de dimension interculturelle, pluriculturelle, on peut dire également. Autre moteur qui se vérifie dans votre parcours, dans vos expériences jusqu'à aujourd'hui ici à Cergy-Pontoise, c'est votre double culture franco-algérienne, origine de vos parents qui se sont, dites-vous, émancipés par l'éducation et la culture, des exemples à suivre? Je ne sais pas, parce qu'en fait, je ne sais pas si c'est des exemples à suivre, et je ne sais pas s'il faut lier le fait qu'ils soient émancipés par la culture avec ma double culture, si j'ose dire. Enfin, il se trouve que mes grands-parents étaient dans les deux cas des gens qui n'avaient pas accès à la culture comme on l'entend, parce que tout le monde a sa culture, on va le dire. C'est-à-dire qu'on, là, on parle de culture institutionnelle reconnue, mais tout le monde a sa culture. Enfin, je veux dire, voilà. En tout cas, au livre, on va dire, au spectacle, j'ai un père médecin et une mère prof de français. Et du coup, comme leurs parents venaient vraiment d'ailleurs, je pense que... Alors eux, ça a été l'école, je crois. Tout simplement, ils ont accroché à l'école. Ce qui n'est pas tout à fait révélateur de ce qui se passe malheureusement à l'école aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que... Je pense que l'école a besoin de la culture, on a besoin d'être plusieurs sur le champ, justement, de l'émancipation, j'ai envie de dire, vers la rencontre qu'on a tous fait ici, c'est-à-dire qu'avec les arts. Vous savez, dans notre pays, quand on parle de double culture, c'est plus vécu dans l'opinion et au niveau des politiques comme plus une difficulté qu'une richesse. J'imagine que cette double culture qui est la vôtre va certainement apporter effectivement une résonance, une traduction dans la programmation à venir. Non, alors dans la traduction dans le projet, moi ce que je trouve, alors il y a une chose qui est intéressante, c'est que ce qu'amène la double culture, c'est qu'on est amené à très jeune à se confronter à une différence de point de vue. Et à l'époque, entre l'Algérie et la France, il y en avait. Après, il faut quand même se dire que je suis née en Algérie, j'y ai vécu 10 ans, puis ensuite j'ai vécu majoritairement en France tout en étant très lié à l'Algérie. Mais c'est vrai que moi, j'ai clairement vécu ma double culture comme une richesse et comme la possibilité d'accepter une différence de point de vue, ce qui m'a mené à la philosophie, qui est exactement la même chose, c'est-à-dire on réfléchit à la diversité des points de vue. Donc, de la double culture, je suis passée à la différence des points de vue, à la philosophie, et là, à l'idée, en effet, de vouloir rassembler plutôt que diviser, fédérer les différences, etc. Et surtout, faire que, parce que c'est quand même ça la France d'aujourd'hui, les gens qui sont très, très, très, très loin soient rattachés par l'artistique, le festif, etc. Et faire que... Attention, parce que là, je vais mettre une nuance. Une scène nationale n'est pas un centre social, n'est pas... Voilà. Mais faire que nous, acteurs artistiques et culturels, on s'interroge sur les populations qui sont très proches de nous dans le territoire. Voilà. Votre projet s'inscrit aussi pour qu'il puisse se développer dans la durée, correspond aussi à la fusion, au départ la Réunion, mais une fusion à court terme avec le Théâtre 95, toujours dirigé aujourd'hui encore par Joël Dragutin, qui est notre deuxième invité. Alors, projet qui s'inscrit en effet sur trois salles, les deux salles du Théâtre 95 et le Théâtre des Louvrets à Pontoise, avec l'idée que le Théâtre des Arts à Cergy-Préfecture, à terme, voire à court terme, sera confié, je crois savoir, au Conservatoire à rayonnement régional de Cergy-Pontoise. Est-ce bien le sujet? Et on doit parler de réunion, de fusion, de ces... J'aime pas le mot fusion, parce que le mot fusion, ça fait vraiment c'est pour grande ça que entreprise, c'est ça pour fait ça peur. Que je crois qu'on pose dit rassemblement. La Alors, rassemblement, réunion, c'est beaucoup plus joli. Votre point de vue d'abord. Fusion, ça fait un peu absorption, alors qu'en fait, dans le projet, il y a une chose importante à dire, c'est que je garde de ligne de force, enfin, même s'il y a un renouvellement, et c'est ça dont vous m'avez fait parler, je vais pas dire que, voilà, s'il y avait pas à renouveler, on changerait pas les directions, je garde les lignes de force des deux projets. Et donc du coup, je parle de réunion, d'addition, de rassemblement et de maintien des lignes de force que sont celles du Théâtre 95, écriture contemporaine, importance des débats politiques, émergence. Et pour la scène nationale, je dirais une programmation internationale de qualité, une grande place faite à la danse. Au jazz et puis à la musique et puis des partenariats formidables comme avec le Festival Baroque qui ouvre notre saison par exemple. Donc rassemblement, réunion, voilà. D'ailleurs cette réunion avec les salariés est très très agréable parce que je les vois tous les jours un par un et que ils ont fait un grand effort pour comprendre ce qui était nouveau dans mon projet. Et c'est très intéressant parce que je suis arrivée quand même seule, même si je connaissais certains cadres de l'équipe, et que j'ai envie de dire qu'en 15 jours, j'ai l'impression, j'allais dire, d'être chez moi comme à Montreuil. Mais c'est parce que j'ai pris du temps pour les rencontrer, ce qui crée, ce qui donne beaucoup de travail et ce qui donne beaucoup de travail aux autres, mais plutôt une chose très agréable. Donc réunion, rassemblement, voilà. Du point de vue de Joël Dragutin, réunion, rassemblement, fusion, la fin d'une histoire ou une nouvelle étape pour le lieu, le Théâtre 95, Joël Dragutin? C'est la fin de quelque chose, malgré tout, puisque nous, on était quand même un lieu de création contemporaine, un lieu qui interrogeait les grands mythes contemporains, et un lieu de débat, mais un forum de démocratie. Donc tout ça, bien évidemment, Ferriel l'a dit, va sans doute être effectivement prolongé, mais sous d'autres formes. Voilà, donc oui, c'est une réunion, oui, c'est quelque chose de cet ordre-là. Oui. C'est une réunion, un rassemblement, puis on verra après sur quoi ça débouche, mais a priori, oui, puis ça se fait de manière pacifique et bienveillante. L'auteur et metteur en scène Joël Dragutin va se transformer un peu sa pratique, son métier. Et pour cause. Et pour cause. Je vais donc abandonner la direction, qui est quand même quelque chose d'assez lourd et qui prend beaucoup de temps, pour me consacrer à mes origines, à revenir à mes origines, c'est-à-dire à l'écriture, à la création. Donc j'aurai beaucoup de temps pour réfléchir, pour écrire, pour rencontrer des artistes et puis nourrir mon projet. Et ponctuellement, donc à raison d'une création par an, je serai de retour à Cergy-Pontoise et en essayant de rassembler toujours les gens qui ont suivi et qui m'ont fait l'honneur de suivre mon travail. Dans ces trois grands axes qui vont être développés au travers du projet présenté et donc retenu par, on va dire, les autorités locales, par le pouvoir, les élus, mais également le conseil d'administration de la scène nationale, l'apostrophe, je crois savoir. Découverte parmi ces trois axes, parmi ces trois grands axes, art et humanité, je voudrais revenir un instant là-dessus, car c'est une dimension non pas nouvelle, mais sur laquelle vous semblez à apporter et insister sur l'idée de transformer aussi l'image que l'on peut avoir ou l'idée que l'on peut avoir d'un lieu de théâtre, juste un lieu de spectacle. Là, vous dites qu'il faut mettre ou remettre au cœur de votre projet la question des humanités pour réaffirmer la place nécessaire à la fois de la philosophie, de la politique, des sciences sociales, sciences humaines, voire même sciences dures, avez-vous souligné dans votre projet, en encourageant la circulation des idées, des mots, des arts et des champs disciplinaires. Est-ce à dire que c'est une mutation, une transformation du lieu théâtre? Alors, je pense que la question des humanités a été présente dans la manière de penser de Joël Dragutin et de sa programmation, et dans la manière de penser de Jean-Joël. Ce qui est différent, ce que j'amène, c'est que j'imagine un temps fort à réhumanité, et que j'ai l'impression que le fait... puisqu'en fait, je pense que Joël, comme Jean-Joël, même si Jean-Joël était plus interdisciplinaire, j'ai envie de dire, que Joël, on vient quand même tous du théâtre au départ. Et donc, du coup, la question des humanités, du texte, elle est centrale. La question, c'est en effet, c'est la question de la forme. En effet, c'est que il y a ces formes participatives et que, j'ai envie de vous dire, quand on va faire Atlas d'Anaï Joao, qui va devoir réunir 100 habitants du Val d'Oise... Ça veut dire impliquer davantage encore les habitants. La population, voilà. Sur la question des habitants, je voudrais être claire. Je suis allée au forum des associations, je vous y ai vu. Quand j'ai vu toutes ces associations, je trouvais génial. Près de 300 associations à Cergy. Voilà, l'idée, c'est pas programmer ce qu'ils font déjà. On leur prêtera peut-être la salle à certains endroits. C'est de les associer à des formes participatives dans lequel ils racontent ce qu'ils sont, ce que certaines artistes veulent faire aujourd'hui pour nourrir leur œuvre d'art. C'est-à-dire que c'est différent de... Il y a le projet artistique et l'action culturelle à côté. Ça, il y en a un certain nombre. Ensuite, il y a la question de vivre le lieu. Pour moi, il y a un enjeu important au Théâtre 95 qui a déjà toute sa chaleur, mais qu'on va encore, j'ai envie de dire, par les formes extérieures accentuer. Puis il y a un enjeu au Louvret où il s'agit de créer une vie. Et une vie, ça veut dire... c'est par le bar, c'est par des horaires d'ouverture différentes, c'est par de l'animation différente, etc., etc. Et donc, du coup, les humanités, le fait que la sociologie, la philosophie, etc., doivent être au cœur de notre réflexion, oui, mais à l'intérieur d'une dynamique qui est différente, qui, encore une fois, vous avez dit, sacralisation du lieu, qui donne envie, soit par des formes extérieures, soit par des formes participatives, soit par du festif complètement assumé. On en reparlera tout voilà. à l'heure. Voilà. En tout cas, il y a juste deux choses que je voulais dire sur Joël. C'est qu'il a dit « je vais revenir à Cergy ». À Cergy, dans la programmation de l'apostrophe, c'est-à-dire la mienne, pour 3 ans. On est quand même, et on va en discuter, d'accord. Et c'est vrai que sur les 3 salles, c'est en effet le projet qui est en cours. Et les travaux vont avoir lieu, si je ne me trompe pas, l'été 18, et c'est vrai que le projet que j'ai imaginé, justement, parce qu'on vient de parler des 3 actes, que ce soit la jeunesse, les humanités, ou art et paysage, fait qu'on a besoin de 3 salles, justement, pour accueillir des formes et une dynamique qui va être différente. Et que si ce projet de scène nationale a émergé, de grande scène nationale, ça n'aurait pas été possible de le faire Joël avec son équipement et Jean-Joël seul avec son équipement. Il fallait qu'il y ait cet espace des 3 salles qui est fondamental. Autre idée que j'ai pu extraire de votre projet, en parlant de ces, de donner peut-être d'autres vocations, fonctions aussi à ces espaces et à ces lieux de théâtre, mettre en place des laboratoires qui mettent en relation artistes et acteurs du territoire. Vous en avez déjà parlé, mais vous élargissez ces acteurs du territoire aux chercheurs, aux chefs d'entreprise, aux associations, aux philosophes. Et vous dites la chose suivante qui me semble effectivement un indicateur pour peut-être le projet qui va se développer dans la durée sur ce territoire, pour ouvrir des zones de réconciliation entre les classes sociales, les communautés et les générations. Je m'attarde un instant là-dessus, car on sait toute la difficulté qu'il y a à ce que les uns les autres non seulement se rencontrent, mais puissent non seulement vivre, mais faire, voire regarder ensemble, participer à des spectacles, à des actions, à faire société ensemble. Oui, c'est tout l'enjeu. Et la première chose que je vais vous dire, c'est qu'il va falloir me laisser du temps. Parce que si l'équipe est emballée par le projet, elle va quand même devoir travailler autrement. La deuxième chose, c'est que je suis tout à fait consciente et... j'en ai largement parlé avec les 3 tutelles qui m'ont choisi joyeusement à l'unanimité. C'est-à-dire, c'est une chose de faire venir certaines communautés les unes à côté des autres, c'est une autre chose que de les réunir. Et j'en suis bien consciente, et ben, il va falloir du temps. Et ça fait le lien quand même avec une chose que j'ai pas évoquée, qui est pourtant fondamentale, c'est que les services des relations publiques, mais les artistes sont aussi au cœur de ça. Et je vais reprendre mon exemple d'Atlas et des métiers. J'ai envie de dire que ce qui est intéressant, c'est que si dans ces 100 métiers, c'est tous les mêmes et que c'est déjà les spectateurs du Théâtre 95 et de l'Apostrophe, ça m'intéresse moins que si on arrive à faire un panel des gens qui étaient dans les associations du forum qu'on a vu l'autre jour. Mmh. Et donc, du coup, c'est cette dynamique-là de la réunion, c'est l'espace de la vie du lieu, mais c'est aussi comment on identifie des gens qui vont pas forcément venir voir un spectacle et qu'on va sortir de cette dynamique de « je te vends des billets », qui est nécessaire hein, à l'économie et qui est nécessaire à faire vivre, mais qui est « as-tu envie de participer à quelque chose qui est une œuvre d'art, mais qu'on va pas forcément présenter de cette façon-là, mais plutôt comme une aventure, exactement comme on dit aux jeunes. Est-ce que ça te dirait de témoigner de la manière dont tu te projettes dans les 20 prochaines années ce que demande le projet d'Anna et Joao? Est-ce qu'on trouvera des gens à Cergy-Pontoise et dans le Val d'Oise qui ont envie de nous raconter leur métier? Alors on peut se dire très ambitieux tout ça, vous avez raison, c'est très compliqué. À Montreuil, j'ai quand même fait une expérience l'année dernière qui s'appelait la Foire des Savoirs avec le co-directeur avec qui je travaillais, qui était Mathieu Bauer. On a inventé une Foire des Savoirs où on s'est dit, en fait, dans les villes, et j'en vois déjà beaucoup à Cergy, il y a des gens qui ne sont pas connus et qui ne sont pas visibles et qui font des choses intéressantes. Donc on va aller les chercher. Et donc du coup, on a découvert nous-mêmes tout un tas de métiers et on a fait cette Foire des Savoirs où, sous forme de petites conférences, les gens venaient raconter des tas de choses. Et travaillant à Montreuil depuis 14 ans, j'en ai découvert. Là, faisant le tour des forums des associations, je me suis dit, il y a des trucs qui sont complètement fou. Je vous confirme qu'il y a des gens considérables qui sont peu considérés dans un territoire comme le nôtre, comme d'ailleurs partout dans le reste du pays. Voilà, mais j'ai envie de dire qu'en tout cas, c'est la force et la volonté des tutelles qui m'ont choisi que d'avoir choisi un projet parce qu'ils étaient très différents. Qui considérait ces gens-là? Après, la difficulté que j'ai aujourd'hui, parce que je sais que je vais sortir de la mission et je vais avoir 2000 mails, c'est que le jeu, ça va pas être forcément de seulement prendre leur activité, mais de les associer aux miennes. Donc, il va falloir qu'on discute, qu'on ait le temps de se rencontrer, et voilà. Très vite, parce que le temps passe et on aura l'occasion de développer, comme je le disais dans les prochaines émissions, ce projet qui va se décliner petit à petit, au fil de l'eau et au fil de l'histoire à venir, à construire pour cette nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise. Il y a effectivement la musique qui prendra toute sa place, plus encore sous des formes diverses, variées, une forme de renouvellement. Vous maintenez, vous confirmez, vous souhaitez même développer une dynamique engagée avec le festival Jazz au fil de l'Oise et avec d'autres partenaires qui existent sur ce territoire et sur le Val d'Oise. Vous avez l'idée d'un partenariat avec la Fondation Passerelle de Rokia Traoré, une artiste que je connais depuis des années sur cette antenne de RGB, et ça me fait tellement plaisir de savoir qu'on va enfin la voir sur ce territoire. Oui, alors c'est en cours, et c'est drôle que vous me disiez ça, parce que j'ai rendez-vous avec elle lundi. Voilà. Vous voulez que je vous raconte ça? Ah ben allez, oui. On va vous faire plaisir. Puisqu'en plus, on l'a pas encore dit clairement, c'est vrai qu'il y a quand même... Enfin, j'ai à la fois un lien fort. C'est-à-dire, quand j'ai fait ce dossier, j'ai recompilé tous les artistes que je connaissais, j'en ai cherché d'autres. Vous savez que j'ai une attention, finalement, si on réfléchit, à toutes les personnes qui peuvent être discriminés. Alors, on peut passer du handicap à la discrimination sociale, à la culturelle, etc. Et j'ai constaté, par exemple, en danse, c'est flagrant. Enfin, je veux dire, il y a des artistes en danse très, très fortes. Bah, Bouchra, il y a Dorothée Mounianeza, etc. Et alors, Rokia n'est pas discriminée, en tout cas, voilà, fait partie des artistes que je connais et qui a un projet, moi, qui m'a beaucoup touchée, c'est que cette femme a une renommée internationale et que, dans son expérience au Mali, à Bamako, elle a été sollicitée par des jeunes maliens qui sont venus la voir pour lui dire « Mais comment t'as fait pour faire de la musique ?» Évidemment, on croit qu'on fait de la musique comme ça au Mali, pas du tout. C'est une certaine classe sociale dont elle vient qui en fait. Et la manière dont elle a été sollicitée l'a fait créer cette fondation Passerelle, qui est une fondation où elle essaye de former de jeunes maliens à la musique, au métier du spectacle, etc. Et donc, elle a d'abord besoin que nous, acteurs français, nous penchions sur les liens entre le Mali, qui est quand même dans une situation politique dangereuse et compliquée, et la France, et elle a besoin que nous y allions. Et donc, vous allez dire, qu'est-ce qui va se produire à Cergy? L'idée, c'est qu'elle a besoin que des formateurs, hein, qui pourraient être des propositions ont été faites au Conservatoire du CRR, viennent former ces jeunes gens, besoin qu'un directeur technique, ça pourrait être le nôtre, vienne former des jeunes gens, donc apporte un besoin en formation, et en échange, parce qu'il s'agit quand même de faire du partenariat, elle puisse elle-même venir, bah, je ne sais pas, faire une masterclass à Cergy, au conservatoire, ou alors, est-ce qu'elle, ce dont elle a envie aussi, montrer ses spectacles avec ces jeunes gens. Et évidemment, dans ce cadre-là d'échange, on lui demanderait évidemment de nous faire un beau concert. Donc la question qui est au-delà de ça, c'est un enjeu artistique, mais je pense que c'est aussi un enjeu culturel et de coopération. C'est-à-dire quel lien on installe alors que le Mali est en difficulté. Et moi, j'ai un partenaire depuis longtemps là-dessus qui s'appelle le Festival Africolore en Seine-Saint-Denis. Entre les Maliens et tous ceux qui s'intéressent à la culture africaine et à la musique africaine, qui ne sont pas que les Maliens, faut pas enfermer, ça s'appelle le communautarisme, comment on crée un projet artistique, culturel, de coopération entre deux pays, deux zones où il y a tant d'affinités artistiques, etc. Voilà. Très vite, parce que le temps tourne, on évoque l'idée, c'est la création d'un événement qui pourrait être rassembleur, qui pourrait être fédérateur autour de formes d'art exigeantes et populaires. Je pense à votre idée de créer le Festival des territoires de l'art. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de l'axe art et paysage et de la question de l'espace public. Le Festival des territoires de l'art, c'est sûr qu'il s'articulera autour aussi du Festival Paris Quartier d'été, parce qu'il y a un enjeu de Grand Paris, etc. Je ne sais pas si je vais... Je m'interroge beaucoup à savoir si cette question de l'espace public, je le fais sous forme de festival seulement ou si je ne le fais pas tout au long de l'année. Dans ma discussion et ma rencontre, parce que ce que je fais en ce moment... c'est que je confronte mes idées rêvées à la réalité du territoire. Je me rends compte, c'est ce que je vous disais au début, que l'enjeu, c'est peut-être de travailler l'espace public de manière plus continue que sous forme d'un festival. Et donc, du coup, même si l'enjeu des lieux dont je parle, hein, le port de Cergy, etc., est tout à fait important, je me dis, Cergy Soir est déjà un magnifique festival qui s'ancre 3-4 jours dans le temps, et je me demande si moi, je ne dois pas jouer cet espace public de manière plus pérenne à l'année que sous forme de festival. C'est une interrogation. Il n'empêche que je garde l'idée de territoire, vous avez bien compris, parce que c'est déterminant et qu'il s'agit de faire quelque chose qui, dans la notion du Festival des territoires et de art et paysage, quelque chose qui s'accroche et qui soit lié aux habitants d'ici. D'ici, il est Val d'Oise, mais ancré dans ce futur Grand Paris. De manière plus décentralisée également, en effet. Alors, la décentralisation, oui. De toute façon, elle existe, là, pour le coup. Je sors des réunions escales, FTVO. Je trouve que, pour le coup, si je peux dire un grand bravo au festival, enfin, au Val d'Oise, c'est que je trouve que c'est un territoire où la décentralisation est extrêmement forte. Donc ça, je vais garder... continuer, préserver et y mettre ma patte, je trouve ça extrêmement réussi, oui, de manière décentralisée, dans le Val d'Oise, parfois en Île-de-France, parce que je trouve que c'est vraiment la ligne de force, je trouve, du Val d'Oise, c'est cette et de l'agglomération, c'est cette dynamique partenariale entre différents lieux de différentes avec différents budgets, je dirais, en tout cas, peut-être je suis encore un peu naïve, indépendamment des différences politiques. Et ça, je trouve que c'est quand même, il y a quelque chose que je trouve extrêmement positif.